Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Neuvième épisode. Angelo a retrouvé enfin son ami et frère de lait, Giuseppe, réfugié sur les hauteurs de Manosque avec les survivants de l'épidémie. Une lettre d'Italie, monseigneur. Il y a au moins 2 mois que je l'ai dans la poche de ma veste. C'est de ta mère. Regarde bien l'enveloppe et sois prêt à témoigner sur ta vie que je l'ai gardée avec le plus grand soin. C'est entendu. Dan. Ce n'est pas ta mère que je crains, c'est la mienne. Je suis sûr qu'elle me demandera si je ne l'ai pas fourré avec le mouchoir dans lequel je crache ma chic. Jure que tu le lui diras. Je le jure. J'ai une peur atroce de ma mère quand elle m'enfonce ses ongles dans le bras. Et quand il s'agit de la duchesse ou de toi, elle m'enfonce toujours les ongles dans le bras. Mon bel enfant, as-tu trouvé des chimères ? Le marin que tu m'as envoyé m'a dit que tu étais imprudent. Cela m'a rassuré. Sois toujours très imprudent, mon petit. C'est la seule façon d'avoir un peu de plaisir à vivre dans notre époque de manufacture. J'ai peur que tu ne fasses pas de folie. Cela n'empêche ni la gravité, ni la mélancolie, ni la solitude, ces 3 gourmandises de ton caractère. Tu peux être grave et fou, qui empêche. Tu peux être tout ce que tu veux et fou en plus. Mais il faut être fou, mon enfant. Regarde autour de toi le monde sans cesse grandissant de gens qui se prennent au sérieux. Outre qu'ils se donnent un ridicule irrémédiable devant les esprits semblables aux miens, ils se font une vie dangereusement constipée. Ils gonflent, puis ils éclatent. Et ça sent mauvais pour tout le monde. Ne sois jamais une mauvaise odeur pour tout le royaume, mon enfant. Promène-toi comme un jasmin au milieu de tous. Et à ce sujet, Dieu est-il ton ami? Fais-tu l'amour? Je le demande chaque soir dans mes prières. En tout cas, il y a ici en plus de moi une femme qui est folle de toi, c'est la Thérèse. Séduire sa nourrice n'est pas si commun qu'on le prétend. Je lui rends d'ailleurs la monnaie de sa pièce. J'ai vraiment une sorte de passion pour son fils. Dis-le-lui quand il te remettra cette lettre. Il a les yeux de Christophe Colomb. Est-ce que vous vous battez toujours comme des chiens, lui et toi? Si vous le faites avec des sabres, ménage-le. Tu sais que tu es plus habile que lui. L'intendant de police me l'a dit à propos de Schwartz dès qu'il a vu le coup de pointe. J'étais fière qu'il avait proprement percé le cœur de ce cochon. Quand on est ainsi capable de signer ses coups de sabre, on n'a aucune excuse si on tue son frère de lait. Je vais partir pour la Brenta. Dis à Lavinia qu'elle me manque. C'est la seule qui ait jamais su arranger ma chemise sous ma jupe d'Amazon. Si vous étiez restés ici tous les 3, je n'aurais pas ainsi le derrière dans le vinaigre. Les assassinats politiques et les amours ont, comme tu le vois, des retentissements imprévisibles. Songe qu'il en est de même pour les révolutions. Tout finit par aboutir au pli de chemise que quelqu'un a sous les fesses. Ton marin partira ce soir pour Gênes. Cette lettre et lui y seront après-demain. C'est-à-dire que dans 20 jours au plus, elle sera entre les mains de Giuseppe. Et si tu es là, tu pourras prendre tout de suite le petit baiser que je mets ici, sur cette croix. Il est destiné à la fossette gauche de ta lèvre supérieure. Tu n'ouvrais pas encore les yeux que tu riais quand je t'embrassais là. Madame la Duchesse n'a pas que de bons mots. Elle t'envoie aussi ce petit sac où il y a 2000 francs. Et 100 écus romains. Elle doit trouver la frappe plus belle que celle des écus français. Elle a trouvé mon duel très beau. De parbleu, puisque tu es vivant. Tu mériterais que je te mette la main sur la figure. Que diraient la duchesse et ma mère si tu mourais d'une façon ridicule? Dans le travail que nous avons commencé, tu auras mis l'occasion de montrer du courage. Mais gratuitement, c'est une fantaisie. Une fantaisie? Si tu avais fait cette chose-là à Turin et par devant huissier, je comprendrais peut-être. Cela pouvait servir. On pouvait en faire un sonnet ou le sujet d'un sermon en chaire, affaire d'organisation. Et tu en avais le bénéfice. Ou plus exactement, ce que nous faisons en avait le bénéfice. Crois-moi, les bonnes œuvres sont inefficaces. Ton manosque a failli me pendre il y a 3 jours. Eh bien, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Ça te fait rire? Oui. Michu est un bon bougre et il y va bon cœur, bon argent. Certes, s'il t'avait fait pendre, il aurait dépassé les ordres. Mais qui aurait pu imaginer que tu allais arriver et qu'il tomberait juste sur toi? Comment sais-tu qu'il s'agit de Michu? Je le sais. Tu le connais? Très bien. C'est un lâche. Peut-être. S'il avait été seul en face de moi, il aurait décampé comme un lapin. Rien ne nous oblige à être seuls, au contraire. Voilà où tu as tort. Tu n'as pas tué le baron Schwartz comme il fallait, puisque tu lui as permis de se défendre. Les duels ne sont pas pour nous. Ils ne pourront pas nous payer le luxe de donner une chance, quelle qu'elle soit, à l'esclavage. Notre devoir étant de gagner, il faut garder toutes les chances et même les fausses cartes. Je ne sais pas assassiner. Ça te manquera. Et ce qui est plus grave, ça nous manquera. J'étais sûr de mon coup et je l'ai prouvé. Il fallait qu'il meure et il est mort. Je lui ai donné un sabre et il s'est défendu. J'avais besoin qu'il se défende. L'important n'est pas ce dont tu as besoin, mais ce dont a besoin la cause de la liberté. Il y a dans l'assassinat plus de vertu révolutionnaire. Il faut leur enlever jusqu'à leurs droits. Tu penses que celui qui leur a mis dans la tête que les ennemis du peuple empoisonnaient les fontaines est un lâche, qui s'adressait à des lâches, hein? C'est une opinion de policier. Peux-tu savoir le fin mot? C'est moi qui ai répandu ce bruit. C'est toi? Oui. Et je te prie de croire que j'en ai rajouté, que je me sois adressé à des lâches, d'accord. Mais où je me suis voulu du bien, c'est quand j'ai vu que j'en profitais. Hein? Le point que j'ai mis à tes bottes n'a pas tenu. Tire-les, donne-les-moi. Je ne veux pas te voir avec des bottes décousues. Tu as failli être pendu. Si tu l'avais été, j'aurais coupé la gorge à Michu et peut-être j'aurais coupé la mienne. Mais ceux qui ont été vraiment pendus à la suite de ma petite conversation avec les lâches étaient les ennemis les plus acharnés de nos idées de liberté. J'y ai tenu la main et les noms étaient soigneusement marqués sur une liste que Michu m'a rendue avec des croix en face de chaque nom. Je ne me fie pas au hasard. Et je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. D'un étranger, surtout. Ça faisait honnête. Et puis ce poison, est-ce qu'on sait si ça n'est pas vrai, au bout du compte? Alors voilà, c'est fait. Je veux que tu sois beau. C'est ma marotte. Ah, ce splendide uniforme que tu portais si bien. Surtout celui que la duchesse t'avait commandé à Milan. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Il a servi de linceul à un mort. Faudrait te battre pour ça. Nous avions pensé à ce drap, ta mère et moi, pendant plus d'une semaine. Crois-tu que ton colérique ne serait pas mort tout aussi bien dans ses propres frusques? Mais monsieur veut toujours faire du zèle. Et surtout celui qui ne sert à rien. Surtout s'il ne sert à rien. Ah, j'ai une idée. Lavinia, hein? Si, caro. J'ai sous la main qui il faut. Il a été ouvrier à Paris et te taille un habit en amande mieux que Gonzagueschi, qui somme toute ne fait la loi qu'à Turin. Lavinia? Si? Va cercare Marcello. Ma dov'è Marcello? Ma qua, dietro. Ci vo subito. Tu te rends compte un peu de ce qui t'attend? Nous ne savons pas ce que va faire le choléra. Peut-être que d'ici un mois, nous serons tous allongés dans les mauves. Mais ici, il ne faut pas envisager le pire. Si seulement tu es vivant et moi aussi, et même si tu es vivant tout seul, il va falloir bientôt que tu te faufiles dans les Alpes et que tu ailles où il faut faire ce que tu sais. Ah, voici Marcello. Ah, Giuseppe. Ah, alors, si monsieur veut bien marquer lui-même ses mesures au crayon. Ah, non, monsieur a de très belles épaules. Voyons, 48. Voilà, alors si monsieur veut bien replier le bras, comme ça, voilà, merci, merci beaucoup monsieur. Voilà, alors là, nous disons avec un beau velours, tu auras là-dedans ton allure de lion. N'oublie pas que je bouge et que je ne poserai jamais pour le portrait. En outre, moi, je crois au principe. C'est comme ça que je t'aime. Comme tu as bien dit cette petite phrase. Garde ce ton, ne s'imite pas. D'ailleurs, ce n'est pas au milieu de gens au visage d'argent plat que tu dois représenter la vertu, mais chez un peuple dont le plus petit cireur de bottes a les traits de César. Si tu réussis à leur parler de principe avec le ton que tu viens d'avoir, n'importe quelle affaire est dans ton sac. Si c'est bon maintenant, ne bougez plus, monsieur, tenez-vous bien droit, voilà, je prends les mesures. C'est les jambes, pardon. Oui, il faut aussi des culottes de bure. Un peu collantes, hein, parce que tu es bien fait. Et un manteau. Mais, ah oui, un manteau, monsieur. Et qui sait si tu ne seras pas obligé de passer les Alpes en hiver. La vigne te le parfumera de thym et de lavande. Quelma soline di fiori. Souvent ce peuple, il a toutes les vertus. Cette fille née de bûcherons dans des bois qui appartiennent à ma famille. Et on l'a apportée à ma mère toute petite, pour qu'elle serve de jouet. Elle a été femme de chambre pendant plus de 10 ans. Car à 8 ans déjà, ma mère la faisait entrer dessous ses lourdes jupes d'Amazone, pour qu'elle lui défroisse la chemise. Et elle se ferait tuer pour moi. Plus encore que pour Giuseppe, qui cependant l'a enlevé en partant, lui a appris l'amour. Et j'espère s'est marié avec elle. Quelle fidélité! Qu'elle est belle! Et comme son cœur est pur, elle mérite la République. Rien n'est trop pour la lui donner. Voilà le devoir de ma vie. Ce sera mon bonheur. Et comme il m'emporte. Le temps changea. Le ciel blanc s'abaissa jusqu'à toucher la cime des arbres. Il engloutissait même la pointe des cyprès qui semblait coupée au ciseau. Il descendit et il établit une sorte de plafond plat à 4 ou 5 mètres du sol. Les oiseaux disparurent la plupart du temps, même les corbeaux qui eurent désormais une vie très mystérieuse au-dessus du plafond d'où ils suintaient parfois en grosses gouttes noires. Tout de suite la chaleur monta comme dans un four dont on a fermé la porte. La pluie commença par n'être qu'une fine mousseline tiède pendant plusieurs jours. Puis on put voir ses rayures. Durant 2 ou 3 autres jours, sans discontinuer, elle serra de plus en plus ses rayures jusqu'à enlever toute la couleur des arbres. Enfin, elle tomba à blocs épais et si lourds qu'ils faisaient retentir sourdement la terre. Les campements étaient tout bouleversés. Les huttes s'effondraient. Il fallait à chaque instant venir à l'aide de familles qui pataugeaient pour essayer de sauver des hardes. Il n'y avait d'abri nulle part. Il mourut presque tout de suite 4 ou 5 vieillards que la pluie avait transpercés jusqu'aux os. On ne put pas les réchauffer malgré de grands feux qui donnaient plus de fumée que de flammes. J'aime pas ça du tout. Avec leur manie de ne pas rester en place, les gens peuvent venir mourir à côté de nous. Ils risquent de tomber sur la vigne, ou sur toi, ou sur moi. Et de toute façon, nous salir l'herbe sur laquelle nous sommes installés. Il ne s'agit pas de jouer avec cette maladie. Là, où vas-tu ? Puisque tu ne veux pas qu'ils viennent, je vais les soigner. Mais tu es fou. Tu le sais. Laisse-les mourir tranquilles. Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce qu'ils te sont? Moi, je suis ton frère de lait. Et Lavinia est ma femme. Sans compter qu'elle a joué avec nous étant enfant. Et pour t'occuper de ceux qui ne te sont rien, tu risques de nous apporter le mal et de nous faire mourir tous. Tu as peur. C'est naturel. Tu pourrais faire un effort pour le cacher. Arrêtez, voyons. je vous en prie. Giuseppe. Giuseppe. Tu saignes. C'est le nez. Fais voir. Embrasse-moi. Avec joie. Ah, je vais vous embrasser tous les deux. Il mourait tellement de monde qu'on se demanda s'il ne valait pas mieux retourner dans la ville. Quelques ouvriers des tanneries partirent avec leur famille. Mais le lendemain de leur départ, un petit garçon retournait et disait que les autres étaient tous morts dès leur arrivée. Une femme aussi en réchappa, qui revint à la colline dans l'après-midi. Elle raconta que toutes les rues étaient couvertes de gravier et de boue à la suite des grosses pluies, et qu'au moment même où les hommes s'étaient mis à pelleter ces limons, ils étaient tombés comme des mouches. Puis femmes et enfants avaient suivi, le tout en l'espace de quelques heures, et sans leur laisser même le temps d'entrer dans leur maison. Les choses n'allaient pas mieux sur la colline en face. Depuis le début de l'épidémie, on avait enterré là, dans de très grandes fosses, une bonne partie des morts de la ville. On avait recouvert les morts et bouché les fosses avec de la chaux vive. Ces fosses, arrosées et baignées par la pluie, bouillaient à gros bouillons comme d'infâmes soupes. Partons, allons-nous-en plus loin, dans les bois. Rassemblez les bagages. Et vérifiez les armes. N'oubliez pas ces paquets là-bas. Angelo, qu'est-ce que tu comptes faire? Va avec lui. Je suivrai. Si, si. Après avoir soigné des centaines de malades, il était obligé de reconnaître qu'il ne servait à rien. Non seulement il n'avait pas réussi à sauver une seule vie, mais quand il approchait maintenant, les moribonds associaient tellement sa présence à celle d'une mort certaine qu'il passait subitement dans une suprême convulsion. On l'appelait le corbeau. Une sentinelle ici, une autre là. Des corvées composées d'hommes jeunes et forts, escortés de miliciens en armes, opérèrent le déménagement des vivres. D'autres corvées aménagèrent des sentines, des fosses à ordures. Creusez les sentines loin sous le vent. Il y eut encore coup sur coup une dizaine de morts, dont six dans la même journée. Une femme qui venait de perdre son mari et son fils se débattit. On l'emporta, elle aussi, pendant qu'elle hurlait toujours et donnait de violents coups de bras et de jambes comme un nageur. On alla la mettre debout, loin au-delà des arbres, sur un versant sauvage qui dominait des vallons ténébreux. Le malheur est respectable, mais les morts font courir un grand danger aux vivants. C'est donc du bon sens pur et simple de s'en débarrasser, le plus vite possible. Deux ou trois minutes de plus ne font rien à l'affaire sur la question du sentiment. Par contre, elles font beaucoup en ce qui concerne la contagion. Tu étais là ? Bien sûr. Tu me donnes tort. Que va devenir cette femme ? Elle marchera sans doute jusqu'au prochain village, dont l'hospitalité est connue. Elle est même passée en proverbe. On l'accueillera, on la soignera, s'il y a encore quelqu'un. Mais il n'y a pas à revenir sur ce que j'ai dit. La vigne, hein ? Si. Chiamaci quando il pranzo sarà pronto. Si, si. Parle-moi, Angelo. De quoi ? Bah, de ce que tu voudras. Du Piémont, des châtaigneraies. Tiens, parle-moi de Messer Stratigopolo. Tu te souviens des blagues qu'on lui faisait ? Si, je m'en souviens. Un jour, tu as failli mettre le feu à la sacristie. Non, c'était toi. Ah, c'est vrai. C'était peut-être moi. Et le jour où le général brigadier m'a fait couper les cheveux, j'étais ton ordonnance en ce temps-là. Tu as servi la soupe avec une tête de galérien. Et je t'ai dit... Attends. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Tu n'as pas été tendre. Tu m'as dit, d'une pique, il t'a fait un œuf. Et toi, Tu m'as répondu... Je t'ai répondu. Ta mère est trop haute, mais c'est moi qui paie, car toi, tu es le colonel. Après quoi, tu m'as fait sauter la soupière des mains, d'un coup de sabre. Et au bout d'une demi-heure, la salle à manger était dans un bel état. Ah, je voulais te tuer. Et tu es presque arrivé. J'ai encore ta signature, là, tiens, dans le gras du bras. L'ennuyeux, c'est que je ne peux pas supporter de voir couler ton sang. Le lendemain, à la parade, j'avais tous les cheveux de mon colonel collés sur le crâne à la colle de plâtre. Et toi, sans casque et rasé, comme un forçat, tu caracolais sur le front des troupes. Je crois que tu souriais de bonheur. Tu avais raison, Angelo. J'ai peur. Je ne le cache pas, cette maladie me répugne. Ma peau se retrousse comme celle d'un lapin qu'on écorche. Veux-tu même le fond de ma pensée ? On n'est pas obligé d'être courageux dans des cas pareils. On risque trop. L'apparence suffit. On arrive au même résultat et au moins y arrive-t-on vivant. Ce qui, malgré tout ce que tu peux dire, est la chose la plus importante. Tout le monde a ce bon sens dans le sang. C'est ce qui fait que je suis plus près du peuple que toi. Tu parais fou. Tu ne les mets pas en confiance. Tiens, essaie. Raconte-leur qu'il a fallu que tu me tiennes la main comme un enfant et qu'on se raconte des histoires. Ou montre-leur que tu te moques de moi. Tu verras s'ils ne te cassent pas la gueule. Retournons en Italie et faisons-nous tuer. Bon. De quelle façon ? Je remets mon uniforme de colonel, toi, ton uniforme de hussard, et nous rentrons bras-dessus à la caserne. Et si on ne nous tue pas ? Tous les maréchaux des logis sont charbonniers. Il y a 20 sous-officiers qui sont chefs de vente. Une demi-heure après, les officiers sont morts. Il faut commencer le travail dans les rues de Turin, avec 1000 soldats qui crient « Vive le colonel Pardi !» Mais qui le crieront beaucoup moins le lendemain, quand ils ne seront plus que 500. Alors je me fais arrêter sans uniforme. Ça refroidit mes maréchaux des logis et mes sous-officiers, qui te croient un aigle et imaginent qu'on t'a berné, ou même que tu trahis, et que la chose est cousue de fil blanc. Ça n'empêche pas de devenir porte-drapeau. Ça représente au moins 200 bagarres, si on met 8 jours à te juger. Car les gens qui sont chargés de l'opinion publique feront tout un roman de ta prison. 200 bagarres à 2 morts par bagarre, te voilà avec 400 morts sur la conscience. Et peut-être l'esclavage prolongé de 10 ans. Si on te fusille, il y aura en plus un joli petit feu d'artifice. Sans compter les intrigues de ta mère et la mienne qui ira poignarder au hasard dans les rues. Ce qui représente bien encore 200 ou 300 morts, et je suis modeste. Si on te coffre pour le restant de tes jours, alors à nous la calomnie. Comme on se chargera de te laisser crever en prison, même, qu'est-ce que je dis, surtout quand l'Italie sera libre. As-tu perdu confiance ? Là, je reconnais que notre situation actuelle n'est pas faite pour relever le cœur. Le choléra ne m'inquiète pas. C'est même une façon de mourir qui arrange tout. Je ne peux pas être heureux en dehors du devoir. Je te défends bien de mourir, surtout de cette façon-là. Quant au devoir, pourquoi t'inquiéter du devoir de tout le monde ? Je te croyais plus fier. Fais-toi un devoir personnel. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le 9e épisode, avec Bruno de Volder, Angelo. Henri Serre, Giuseppe. Fiamma Walter, Lavinia.